poste 210. Libre immédiatement. CKRL est là juste pour toi. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. La Barberie. La Barberie. La Barberie. La Barberie. La Barberie. La Barberie. Bonsoir et bienvenue à l'émission Terra Incognita. Vous êtes en compagnie ce soir de Bruno Côté, notre fidèle collaborateur à la mise en onde, et Marc Chaunet au choix musical et à l'animation. Et comme vous le savez, c'est une émission consacrée au rock progressif d'aujourd'hui, des nouveautés. On vous parle des primeurs, des spectacles de la région aussi. Donc on va débuter ce soir et je suis content d'entendre que l'émission précédente... nos amis Vincent et Jacques ont parlé de Peter Gabriel et il y a eu un excellent spectacle donc dimanche dernier pour les amateurs de... Je pense que les amateurs de prog en ont eu aussi pour leurs oreilles, il y en avait pour tous les goûts. Et je vous parle de ça parce que il y a un hommage à Genesis avec le groupe italien The Watch qui s'en vient et... c'est vraiment le feeling de la voix de Gabriel là, avec Simone Rossetti, le chanteur. Et il y aura deux spectacles, donc, en hommage à Genesis. Et on se souvient que Gabriel, évidemment, faisait partie de cette icône du rock progressif des années 70, qui est Genesis. Et ce qui est spécial dans ce spectacle-là, c'est qu'on aura des pièces, des albums à l'époque où Gabriel a quitté le groupe avec Trick of the Tail et Wind and Roof Ring. Et il y aura... Alors, qu'est-ce que ça aurait été si Gabriel faisait partie encore du groupe pendant ces deux albums-là? On aura quelques surprises, donc c'est à ne pas manquer. C'est à la scène Le Bourgneuf, 815 Le Bourgneuf. C'est une nouvelle salle. Ça a l'air que c'est confortable, que l'acoustique est bon, qu'il y a une bonne ambiance. Donc, c'est à ne pas manquer, 22-23 novembre prochain. On va débuter avec une pièce. Une pièce. C'est tiré de la compilation Terra Incognita, Archive Volume 2. Alors, Terra Incognita vous permet aussi de vous procurer ça pendant les événements, cette compilation-là. Et il y a The Watch en spectacle sur ça avec une pièce inédite, Heroes. On va débuter avec ça. Et ensuite, on vous parle de la nouveauté, le groupe Marillion. Alors, on commence d'abord avec The Watch sur les ondes de CKRL à Terra Incognita. Become a star. People want. Tree down. Le groupe italien The Watch et la pièce Heroes en spectacle. Donc, alors, c'est à voir ici à Québec avec deux spectacles différents. Le 22 et 23 novembre prochain, c'est à la salle Le Bourgneuf et c'est de Yellow Show. Donc, il y aura une bonne partie des pièces de l'album Nursery Crime. Et comme il y aura des spectacles différents, évidemment, les pièces, il y aura probablement des pièces de The Watch, je sais pas. En tout cas, ça réserve des surprises. Donc, on va poursuivre avec une nouveauté. En fait, l'album, on en a parlé dans le journal aujourd'hui, et Sounds That Can Be Made de Marillion. C'est un album dont la parution à Québec est prévue pour le 2 octobre. Alors, le groupe vient tout juste de faire paraître cet album-là. Et il y aura d'ailleurs un documentaire qui a été tourné à Québec intitulé Visible Band qui devrait sortir cette année, qui a été réalisé justement pour parler de la vie de ce groupe Marillion qui existe depuis le début des années 80. Et ça fait déjà plusieurs albums. C'est en fait leur 17e album. Ça fait 13 albums depuis que Hogarth et chanteur de Marillion. Alors, A Sounds That Can Be Made, c'est un album qui rappelle un peu Brave. Alors, ça rappellera des grands albums dans cette période de Marillion. Et c'est un excellent disque. On écoutera la pièce Lucky Man, donc de Marillion. Alors, restez des nôtres. On a plusieurs nouveautés. On a le nouveau Nexus aussi dans la deuxième demi-heure. Un nouveau Nexus, un deuxième cette année, intitulé Magna Fabulis. On aura Neil Morse aussi qui suivra. Donc le nouveau Neil Morse, intitulé Momentum, c'est aussi son 17e album. Je te dis que c'est un gars qui est prolifique. Alors on y va avec Marillion, suivi de Neil Morse. Freedom to see would be complete. say, must say, sit, they betray me. Thoughts have all escaped me. I'm not sure what to do. I know straight away, I never give a maybe. She looks like an actress waiting for her cue. Cause now I don't think anything at all. On and doesn't seem to notice I'm the caring listener. Tell me, is that true? She pauses and says, well, expecting some great saying. Silently I'm praying I haven't got a clue. Cause now I don't think anything at all. So thank you. 89.1. Connu pour son magnétisme, sa voix chaude et son sens artistique, Mike DeWay et ses trois musiciens complices vous invitent le 28 septembre à la nouvelle salle de spectacle, la scène Le Bourgneuf. Énergique et émotionnel, Mike DeWay promet du blues et rien que du blues. Le blues me fait rêver, il m'aide à m'évader. Mike DeWay, le 28 septembre, 20h, à la scène Le Bourgneuf, 815 boulevard Le Bourgneuf. Mais où es-tu parti? Billets en vente dès maintenant sur le réseau Billettech ou à lascenelebourgneuf.com. Chaque mardi et vendredi, CKRL vous propose des émissions variées axées sur le blues, le métal, les sports, le reggae et plusieurs autres styles, tout comme les soirées du Bal du Lézard. Le Bal du Lézard, c'est les spéciaux sur les bières importées et des microbrasseries québécoises, les étonnants 5 à 7 sur les bières canadiennes et le vin, les 2 pour 1 tous les jours de 21h30 à 22h et de 23h30 à minuit. Le Bal du Lézard, 1049 3e avenue à Limoilou. Le Bal, 26 ans de Limoilou libre. Lebaldulezard.com. Amateurs de progressif, le Palais Montcalm vous présente Three Friends, le vendredi 5 octobre, 20h. Three Friends, c'est trois anciens membres des Gentle Giant et de 10cc qui revisitent le répertoire de Gentle Giant en y ajoutant quelques nouvelles pièces. Three Friends au Palais Montcalm, du progressif pur dans la meilleure salle à Québec. Un événement unique. Détails au palaismontcalm.ca. La 22e édition des Rendez-vous Estrade du 4 au 8 octobre dans le quartier Petit Champlain. Plus de 40 artistes de la Belgique, de la France, du Québec et de Québec vous livreront une musique traditionnelle bien de son temps. Réveillon, Didier Lalloy, Arba des Tornes, les folkloristes, Barbeau, Olivier Soucy et bien d'autres. Que faites-vous, fillette? Que faites-vous, sultan de bois? Les rendez-vous Estrade, une vision contemporaine des traditions vivantes, des cultures d'ici et d'ailleurs. Estrade.qc.ca. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. La Barberie. La Barberie. La Barberie. La Barberie. Et bien de retour à Terra Incognita. Et ce qu'on a entendu juste avant la pause, c'était Neil Morse tiré de son plus récent album Momentum, précédé de Meridian et le nouveau disque Sounds That Can Be Made, la pièce Lucky Man. Il y a vraiment plusieurs pièces super intéressantes sur ça, des pièces très longues d'ailleurs, 17 minutes, 14 minutes, 10 minutes. On n'a pas le temps de tous les faire jouer, évidemment. On parle de longues pièces et de groupes surprenants. Un groupe qu'on aime depuis le début, Nexus, de l'Argentine. Et il y a un second disque cette année. Donc le premier, c'était Air, paru en tout début d'année, donc enregistré l'an dernier, évidemment. Et celui-ci, donc Magna Fabulis, c'est 4 pièces. Donc il y a 2 pièces de près d'une demi-heure chacune, puis deux autres de 10 minutes chacune. Alors ça fait un long album. Et il y a pas mal, c'est pas mal bon. J'ai presque peu écouté parce que ça, c'est une primeur, donc ça vient tout juste de sortir. Et donc on ira avec une pièce qu'on pourra pas faire jouer au complet parce qu'elle est trop longue. Alors on va faire jouer ce qui va rester dans le bloc musical pour ce second bloc musical, comme je le disais. Et troisième bloc, on aura la nouveauté de la Finlande, Idria Space Folk, et on aura aussi quelques pièces, une pièce italienne avec Locanda d'Elefate, leur nouvel album de Missing Fireflies. Alors, donc, on y va tout de suite en musique avec Nexus, Magna Fabulis, la pièce Odyssey, El Regreso, sur les ondes de CKRL. busca de mis sueños. Pude entender que no hay lugar más cerca de mi cuerpo. Regresar al fin, respirar en la plenitud, descansar. La inmensidad del vasto mar es mi único testigo. La soledad de la prisión se pierde en la distancia. Regresar al fin, respirar en la plenitud, descansar. Volver a mi lugar. cielo y como un haz de luz surca la tierra y mis espejos se reflejarán y en mis sentidos se disolverán. Es un latido del sol que te consume. Consume.

qui est un album qui était paru au départ en 2002 et qui a été réédité cette année. Donc, et ils ont ajouté un album qui s'appelait intitulé 8 Days en bonus, bonus disque. Et on écoutera la pièce sur ça, Resident Alien, mais d'abord Iluia Space Folk. We'll be right back. Thank you.

C'était le groupe Van der Graaf Generator, tiré de leur album Alt, qui est paru en juin cette année, et qui est un album tout enregistré à partir de d'improvisation, en fait, en studio. Et c'est comme plein de pistes comme ça qui ont été un peu pris avec tout ce qui a été enregistré quand les musiciens improvisent et s'amusent et se font plaisir. Et c'est un côté alternatif pour ce groupe. Évidemment, c'est pas des pièces facilement accessibles. C'était la pièce Tuesday The Riff. Et juste avant, il y avait eu Robert Berriot de Québec et son second album Selfishness, Source of War and Violence. Et c'était la pièce Terrorism, A Two Actors Play. Vraiment, moi, j'adore son style très, très sombre par moments, mais il y a d'autres pièces beaucoup plus électroniques, des pièces beaucoup plus rock. C'est vraiment un bon disque. Et on poursuit donc en musique, évidemment, pour la dernière demi-heure de l'émission ce soir, avec je vous en ai parlé tantôt, Locanda delle Fate de l'Italie. Donc, ça sera notre pièce italienne pour la soirée, tirée de The Missing Fireflies. Ce que c'est cet album-là, c'est en fait le groupe a fait paraître leur album principal, leur seul album en 1977. Et il y a une pièce qui était interprétée à ce moment-là en spectacle, mais qui n'était pas sur l'album pour une question de limitation des durées avec les disques de vinyle. Et c'est la pièce Crescendo. Alors, sur cet album-là, il y a Crescendo qui est réenregistré aujourd'hui, puisque le groupe est encore actif. D'ailleurs, je vous en ai pas parlé, mais le groupe, le festival Farfest qui faisait venir ce groupe-là, justement, a annulé l'événement, parce qu'il n'y a pas assez de billets qui sont vendus pour supporter financièrement la venue de tous ces groupes. Alors, c'est bien dommage, et on espère qu'il y aura d'autres événements, peut-être de moindre envergure. Espérons quand même qu'il y aura quelque chose, qu'on pourra voir un jour ces groupes-là. Donc, Locanda delle Fate, c'est un groupe qui a fait paraître un superbe album qui fait partie des classiques du rock progressif des années 70 en Italie. Et donc, on écoutera la pièce Crescendo. Ensuite de ça, on s'en va avec le groupe de Winter Tree, qui est une nouveauté des États-Unis, avec l'album Guardians. Et on écoutera la pièce Good Times. Alors allons-y tout de suite avec Locanda delle Fate. C'est KRL. The bus was late and forced us all to congregate. 27 strangers made to stand and wait. 89.1. So that's why I'm late, my dearest one. What can I say? Tomorrow it could be the same when I do it all again. Amateurs de progressif, le Palais Montcalm vous présente Tree Friends, le vendredi 5 octobre, 20h. Tree Friends, c'est trois anciens membres des Gentle Giant et de 10cc qui revisitent le répertoire de Gentle Giant en y ajoutant quelques nouvelles pièces. Tree Friends au Palais Montcalm, du progressif pur dans la meilleure salle à Québec. Un événement unique. Détails au palaismontcalm.ca. La Barberie. Parce que nous sommes différents. Pale Ale, lime et framboise. Blanche ou mûre. India Pale Ale. Stout impérial. La Barberie. Parce que nous sommes différents. 89.1. L'autoroute, animée par Stéphane Villeneuve, les samedis, minuit. Vous aimez ce que vous entendez et vous aimeriez encourager votre radio préférée?

nella mente, la cerco tra la gente. Cantano i bambini nella chiesa, nel giorno della sposa. Sento quella preghiera che dà luce alla che riunisce gli uomini, silenziosi eroi, dimenticati ormai. Dai, scorda tutti i tuoi pensieri, questa notte non sei sola.

C'était le groupe américain de Winter Tree, tiré de leur album Guardians, et c'était la pièce, c'est leur second disque, c'est la pièce Good Times, ça c'est une nouveauté. Michel vous en avait fait jouer il y a quelques semaines en primeur, et c'est pas mal bon, franchement. Franchement, c'est à écouter. Alors, on va parler un peu aussi, je parlais des quelques spectacles, on en parlait hors onde. Il y a Three Friends qui va être ici le 5 octobre au Palais Montcalm. Il y a aussi le 6 octobre à l'Anglicane de Lévis, un hommage à Pink Floyd avec le groupe Pulse Fiction. C'est des gars de Unknown Knowledge et plusieurs autres musiciens qui font cet hommage. Et il y a des projets peut-être là pour... éventuellement qu'ils fassent des compositions originales, ils ont pas mal de talent. Alors il y a aussi le 12 octobre Kings en hommage à Marillion et Puck Hogarth avec Scripted en hommage à la première époque de Marillion à la Casbah, c'est donc le petit impérial, et c'est le 12 octobre. Il y a aussi évidemment les 22 et 23 novembre The Watch à la scène Le Bourgneuf de Yellow Show. En première partie, il y a Shadow Circus. Ensuite de ça, il y a le 4 octobre aussi, évidemment, le Red Sand au Centre d'art de la Chapelle. On avait parlé quelques fois. Le 11 octobre, il y a Asia au Capitole. Des gros groupes. Arena, le 10 novembre, avec Mystery. En première partie, à l'Impérial de Québec, Mystery avec leur excellent nouveau disque. Il y a Rush au Centre Bell le 13 octobre. Alors, ça se poursuit encore. Le 11 octobre, il y a Renaissance aussi qui est là à Montréal. Alors, plein de spectacles encore. C'est vivant dans le rock progressif. On va terminer avec, pour faire la transition avec l'autoroute, avec le rock des années 70, un groupe des années 70 québécois du nom de Eden. J'en avais déjà fait jouer. J'avais pas eu l'occasion de faire jouer la pièce que je voulais faire jouer. Louis le Cancre. Alors, oui, tout à fait. C'est la pièce Louis le Cancre. Alors, c'est un groupe de Québec qui ont fait un seul album et c'est paru seulement sur vinyle. Ça a été transféré sur CD par des Japonais, une édition inconnue, ou presque. C'est, en fait, il n'y a pas d'édition officielle de ça. Alors, on terminera l'émission avec cette pièce du groupe Eden de Québec. Et c'était tout pour cette édition du 22 septembre 2012 de Terra Incognita, hein, avec... Bruno Côté et Marc Chaunet. Alors, on souhaite bonne soirée avec Eden. Thank you. La production